Et c'est ici que nous refermons. Je veux lui répondre. Alors, poser... en quelques mots. Oui, pour ça, Belek m'a interpellé. Alors, sur la question de, d'engager une fraction des mines du pays pour, comment dire ça, pour essayer d'éviter l'aventure, entre guillemets, de la monnaie numérique, la crypto-monnaie. C'est ça la question. Donc, alors, c'est fait, hein. Vous croyez que, pour ça, que la, la coopération avec la Russie, c'est fait comment? C'est adossé sur le troc, ce type de troc. C'est le troc. C'est le troc. Sinon, le pays se serait effondré. On n'aurait pas atteint le niveau de sécurité qui est aujourd'hui dans le pays s'il n'y avait pas cet accord avec la Russie. Quand vous regardez le budget de la RCA, ce budget ne permet pas de soutenir les exigences d'une, parlons comme ça, de ce partenariat avec la Russie. Quand on voit le niveau d'investissement que la Russie fait en matière militaire dans ce pays, c'est certainement compensé par le troc au niveau, au niveau d'une partie des richesses minières du pays. C'est pareil avec le Rwanda. Vous savez qu'il y a au moins 4 000 soldats rwandais en RCA qui font un travail extraordinaire, extraordinaire en matière de sécurité et qui permettent de stabiliser les équilibres militaires dans le pays, y compris au niveau de la sécurité présidentielle du président Ouattara. Moi, je vous dis, ce n'est pas un polichinelle. Quand vous allez en RCA, vous allez au palais présidentiel, c'est les Rwandais qui sont là. Les Rwandais sont là. Vous voyez très bien, si vous êtes un peu intelligent, que là, il y a un équilibre dans la gestion de ces partenariats-là qui permet, n'est-ce pas, de stabiliser un peu le pays à ce niveau-là. Donc, et ça, ce partenariat aussi est adossé sur des fractions de mines, des concessions minières. Et c'est l'un des partenariats les plus extraordinaires, hein, qu'il y a eu entre deux pays africains. Il faudrait qu'un jour on parle de ce partenariat ici. À ce niveau-là, le président Kagame a été extraordinaire. Je ne suis pas un grand fan de ce président, mais à ce niveau-là, il a été extraordinaire. Donc, vous avez, par exemple, Jean de Safa, les Américains qui braillent là, ils braillent, ils font la coupe. Ils veulent quoi? Ils veulent une partie. Ils veulent une partie. Ils veulent leur part. Et d'habitude, donnent notre part, comme ça, on va déverrouiller les blocages qu'on te fait au niveau de l'accès à certains guichets financiers internationaux. Ils veulent leur part. Donc, ça se fait. C'est un peu ça qui a permis au pays de tenir, de ne pas s'effondrer complètement. Mais le président veut valoriser davantage ses ressources minières. Il veut les valoriser, d'où sa volonté de miser sur la crypto-monnaie. Parce que si ça réussit, je vous l'ai dit tout à l'heure, il a accès directement à des capitaux immenses, en évitant tous ces carcans conventionnels que j'ai signalé ici. Vous avez le cas, je vais terminer par là, vous voulez que je tue dessus. Vous avez le cas, prenons l'exemple de la question du carburant. Les gens ne savent pas à quel niveau ce président souffre. Vraiment. Les Français, l'ONU et la MINUSCA, ils faisaient le chantage sur le carburant. C'est un des rares pays au monde où l'approvisionnement en carburant, le pays passe après la MINUSCA, professeur Belek. Après la MINUSCA. Vous vous rendez compte? Il a dû se battre pour diversifier les approvisionnements. Là, il a trouvé d'autres chemins, d'autres canaux d'approvisionnement pour contourner ce carcan-là. Vous voyez, et ça en urgence, hein. Ça en urgence. Parce qu'imaginez qu'il y a une attaque qui se déclenche là-bas contre lui. Et vous imaginez que maintenant, comment est-ce que les troupes vont fonctionner? Comment les militaires, y compris les militaires russes, comment est-ce qu'ils vont fonctionner s'il n'y a pas de carburant? Parce que la Munich, évidemment, va bloquer l'assaut au carburant, n'est-ce pas, pour l'armée et pour ses militaires, en inventant n'importe quelle raison. Donc, il a fallu qu'en urgence, il puisse contourner cet obstacle-là, et il l'a fait. Vous voyez, c'est un des batailles comme ça, au jour le jour, le pays est réduit à ça, à se battre comme ça, au jour le jour, pour essayer d'éviter les pièges qui lui sont tendus. Mais les perspectives sont très bonnes. C'est un pays qui va s'en sortir. On dit après la pluie, c'est le beau temps. C'est un pays qui a assez souffert et qui est sur une très bonne lancée, n'est-ce pas, pour tourner cette page-là. Je pense que ce président-là, il est un peu, en guillemets, providentiel pour le pays. Parce que je pense qu'on voit comment sous son air, péniblement, difficilement, mais assurément, le pays est en train de sortir de cette page noire-là. Afrique Média, le monde, c'est nous.